France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tentative de putsch en Espagne en février 1981 avec notre invité Christophe Barret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne et vous avez publié il y a 2 ans ce livre intitulé Podemos pour une autre Europe. Alors on y parle de l'Espagne mais on y parle aussi beaucoup de l'Europe, évidemment avec des parallèles avec d'autres pays. On y reviendra. Mais d'abord, concernant le sujet qui nous intéresse au premier chef, aujourd'hui cette tentative de coup d'État, quelle est la place de cet événement dans l'histoire contemporaine espagnole, quelles en sont les résonances encore aujourd'hui? Alors c'est vrai que les résonances elles sont encore actuelles et très politiques dans le livre de référence qui a été écrit un petit peu sur ce coup d'état manqué du 23 février qui est celui de Javier Cercas qui a été traduit en français l'autonomie d'un instant. En conclusion, Javier Cercas cite autonomie d'un instant, c'est plutôt la Catalogne. Voilà, tout à fait. On y reviendra. Déjà dans le sujet, on y reviendra. Dans ce livre, il est dit un peu en conclusion que aujourd'hui effectivement le sujet revient à la une de la politique. C'est un livre qui a été écrit à la fin des années 2010. Aujourd'hui, plus que jamais, la transition fait encore question, bien sûr, avec la question territoriale qui se pose en Catalogne, la question sociale, avec le mouvement des indignés, et donc la question d'une désinstitution et d'un modèle constitutionnel, effectivement, qui apparaît comme figé depuis, justement, le ratage de ce coup d'État et l'entrée de l'Espagne de plein pied dans la démocratie, dans l'Europe, dans la modernité. Mais donc, est-ce qu'il faut une nouvelle transition aujourd'hui, justement, c'est la question que se posent beaucoup d'Espagnols, alors que, voilà, on commémore, on va encore commémorer l'an prochain, en 2018, le 40e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 1978, donc qui a été la Constitution de la jeune démocratie. De la jeune démocratie qui était sacralisée donc en février 81. De la seconde République espagnole, ce n'est pas troisième encore, hein, oui, c'est la seconde. À la mort de Franco, alors évidemment, il y a un soulagement pour les Espagnols, on est toujours soulagé de sortir d'un pouvoir totalitaire, soulagement aussi pour les voisins européens des Espagnols, mais en même temps, Franco a assuré l'unité de l'Espagne, hein, par la force, par la contrainte, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a, après le départ de Franco, des inquiétudes à ce niveau-là pour l'unité de l'Espagne? Alors, effectivement, Franco, il part, mais il meurt dans son lit. C'est-à-dire que le propre de la transition démocratique espagnole, c'est que c'est une paix qui est conclue. La constitution qui sort en 1978, c'est une constitution qui est conclue entre des démocrates, des leaders démocrates, et puis la vieille garde, tout le secteur franquiste. Et c'est de l'intérieur que le franquisme est adopté ou est abandonné ou vidé de sa substance pour faire place à la démocratie. C'est un petit peu ce qui est en procès aujourd'hui. Et donc, ça inquiète beaucoup. Franco nomme Juan Carlos successeur à titre de roi, bien sûr, pour essayer de maintenir le système. On l'a entendu, Juan Carlos y prête serment au principe du mouvement national, c'est-à-dire au principe franquiste. Puis bien sûr, il va les trahir. C'est ça qui est la première étape qui va mener vers ce coup d'État de 83, cette première trahison qui est inacceptable pour les militaires, mais qui rassure l'Europe. Ça veut dire qu'à l'époque, l'idée d'un coup d'État est dans l'air. On a peur de ça ou ça surprend tout le monde? C'est un petit peu dans l'air. Il y a donc cette première étape qui est la trahison par le roi des principes franquistes. Et puis il y a aussi le désordre qui s'installe un petit peu justement dans le schéma territorial du pays. En 80, on discute du statut de l'Andalousie. Il y a bien sûr la question basque avec le terrorisme qui est à l'époque de retour, une crise économique qui commence à apparaître. Donc, et puis un divorce aussi entre Juan Carlos et son premier ministre qui est aussi l'autre grand artisan du passage de la démocratie, qui est Adolfo Suárez, qui a démissionné quelques jours avant le coup d'État. Justement, c'est dans une période de vide du pouvoir que les militaires essaient de jouer. Et au milieu donc un Juan Carlos qui est en train de passer des habits d'un monarque presque absolu, héritier de Franco, à un monarque constitutionnel à l'européenne. Vous oubliez qu'il est obligé de faire lui en 4 ou 5 ans ce que toutes les monarchies ont fait en Europe en 150 ans, c'est-à-dire de n'avoir un pouvoir que symbolique en fin de compte. Mais qu'est-ce qui passe par la tête des militaires de cette tentative de coup d'État, de prendre en otage les Cortés et l'Assemblée nationale? C'est quand même assez anachronique, à l'inverse du sens de l'histoire. C'est ce genre de coup d'État qu'ils voulaient ou ça a mal tourné? Ce qu'on voulait, le modèle effectivement, ça fait heurter un peu les Français ou les vieux gaullistes qui peuvent être parmi nous. nous, que nous sommes aussi, puisque tout le monde a été et vous sera gaulliste un jour. C'est vrai que la référence d'Armada, alors il y a différents aussi obédiences hein, chez les putschistes. Hein, il y a les vieux militaires d'extrême droite, il y a des franquistes un peu qui sont la droite modérée, qui vont fonder ce qu'est aujourd'hui le Parti Populaire, la droite espagnole. Mais il y a une référence, c'est le je dis pas coup d'État, hein, je dis coup réussi du général de Gaulle en 1958. On va remettre un petit coup de barre dans le bon sens, et puis le roi sera mis obligé de composer, et puis le roi qui en avait peut-être aussi commis des imprudences, il va peut-être cautionner cet appel. Bien sûr, ça ne se fait pas, et les images des coups tirés au plafond du Congrès des députés, ça va bien sûr en 10 minutes complètement invalider cette hypothèse d'un coup de barre ou d'une remise en ordre dans une situation un peu tendue. Christophe Barège, on va écouter une archive ensemble. On va entendre un roi espagnol, Felipe VI, le roi d'aujourd'hui, d'accord? C'est pas Juan Carlos, Felipe VI. Hein? Et voilà, et c'est au tour de la crise catalane. On l'écoute, on en parle après. Nous vivons des moments très graves pour notre démocratie. Et dans ces moments difficiles, je souhaite m'adresser directement à tous les Espagnols. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en Catalogne, avec au final la déclaration illégale de la part de la région de l'indépendance de la Catalogne. Depuis longtemps, les autorités catalanes, de manière répétée, déterminée et délibérée, violent la Constitution et leur propre statut de région autonome, alors même que c'est la loi qui reconnaît et protège leur institution historique et ce statut d'autonomie. Avec ces décisions, les autorités catalanes ont affaibli de façon systématique les normes légales, faisant ainsi preuve d'une déloyauté inadmissible envers les pouvoirs de l'État. Elles ont aussi brisé les principes démocratiques de l'État de droit et ont fragilisé l'harmonie et le vivre ensemble dans toute la société catalane, contribuant malheureusement à créer des divisions. À tous les Espagnols qui vivent avec dépit et tristesse tous ces événements, je veux transmettre un message de tranquillité, de confiance et d'espoir. Ce sont des moments difficiles, mais nous les surmonterons. Ce sont des moments complexes, mais nous en ressortirons plus forts, parce que nous croyons dans notre pays et parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et parce que nos principes démocratiques sont solides et résistants. Je terminerai ces quelques mots adressés à tout le peuple espagnol en rappelant, une fois de plus, l'attachement ferme de la couronne espagnole à la Constitution et à la démocratie, mon dévouement à l'écoute et à l'entente de tous les Espagnols et mon engagement en tant que roi pour l'unité et le futur de l'Espagne. Alors, on a écouté cette archive en résonance de ce qu'a pu dire Juan Carlos après le coup d'État, même si ce sont deux événements distincts. Mais ça veut dire que dans une monarchie parlementaire, le roi n'est pas un roi d'opérette, qu'il est vraiment le roi en Espagne, il est le garant du ciment, il a un rôle très particulier quand même. Voilà, le roi d'Espagne a un rôle très particulier. Et c'est vrai que, alors faut dire déjà quelle différence il y a. En 81, le roi d'Espagne, il est tout seul pour parler. C'est-à-dire qu'il n'a que lui-même pour écrire son discours. Le gouvernement est retenu en otage au Parlement. Par les putschistes. Le 4 octobre dernier, Felipe VI, il a le Premier ministre de droite qui écrit son discours et qui conserve ce discours. Quand même, il le porte. Mais il incarne, et il rappelle ce que son père avait rappelé, que la couronne est garante de la démocratie. Un discours alors, c'est la différence avec l'époque, c'est que c'est un discours qui n'a pas fait l'unanimité, qui a été très critiqué en Catalogne, qui a été très bien accueilli forcément dans toute l'Espagne, voilà. Forcément, mais avec quand même cette différence qui est que le roi d'Espagne, il est censé être modérateur, c'est-à-dire qu'il doit modérer le jeu. Là, dans son discours, les Catalans vous diront qu'il n'y a pas eu un mot pour les victimes de violence. Le roi n'a pas agi non plus en 2010 quand le statut de Catalogne qui a été voté, cette autonomie qui a été refusée par le pouvoir central s'est retrouvée bloquée. Donc, il y a une accusation qui revient justement et qui se réfère aussi à février 80, qui est que cette monarchie, elle est un peu trop marquée à droite. Voilà, c'est un peu en gros l'accusation qui est faite par Podemos et que Pablo Iglesias a encore refait ce week-end dans un discours. Cette crise catalane, elle est difficile à comprendre. Oui. J'ai entendu un analyste sur France Inter il y a quelques semaines qui disait, je ne sais pas si c'est juste, il disait que la constitution de 1978, la constitution de la Seconde République, avait été écrite sur le principe de l'amnésie, c'est-à-dire l'oubli volontaire, donc c'est un acte politique, du rôle de la Catalogne pendant la guerre d'Espagne et auprès des républicains. C'est vrai qu'il y a eu une loi d'amnistie, justement, en 1977, un an avant l'adoption de la constitution, qui a figé un petit peu la reconnaissance ou les condamnations du régime franquiste et de certains actes de ses responsables. La grande loi qui est revenue un petit peu là-dessus, c'est la loi mémorielle de 2007, qui a été votée par le gouvernement de gauche de Zapatero. Mais effectivement, il y a une petite fermeture. Il y a aussi un problème. Il y a un contentieux historique. Et c'est vrai que, par exemple, aussi, toutes les archives relatives à ce coup d'État de 80 ne sont pas ouvertes. On se demande beaucoup quel a été le rôle des services secrets, par exemple, du CECID. Bon, ça sera ouvert d'ici une vingtaine d'années. Mais il y a un problème spécifique d'amnésie un petit peu en Espagne. Justement, les historiens même, qui s'intéressent à la guerre civile, donc qui a mis terme à la Seconde République, s'insurgent contre cela. Au rendez-vous de l'histoire de Blois, l'an dernier, il y avait une pétition qui circulait pour l'ouverture des archives espagnoles. Mais il faut rappeler quand même que la Catalogne, elle a été reconnue telle qu'elle, si j'allais dire, par la Constitution de 1978, puisque on restaure quelques années après la généralité de Catalogne. La généralité de Catalogne, c'est la seule institution d'avant la dictature qui est acceptée par l'Espagne moderne. Donc, et c'est ce qui est, ça crée une double légitimité qui est à l'origine des problèmes actuels. C'est-à-dire que les Catalans disent, on a une antériorité de droit qui doit être reconnue par l'institution. Cette antériorité de droit nous donne le droit à l'indépendance aujourd'hui. Alors, je vais vous bousculer un peu parce que le temps passe diaboliquement vite même. On va dire, j'ai des questions. Oui. Ces indépendantistes catalans, c'est un poids politique important. Est-ce qu'ils sont liés à la droite? Est-ce qu'ils sont liés à la gauche? Qui sont ces gens? Et leur leader, Puigdemont? Alors, aujourd'hui en Belgique. En Belgique, alors ils se cherchent un leader, les gens le milieu indépendantiste, ceux qui étaient le plus engagés dans l'indépendance. Ils rêvent, certains rêvent d'un Nelson Mandela qu'on voit peut-être dans Oriol Junqueras, qui était le numéro 2 du gouvernement, qui est en prison. Et c'est vrai que ça pose un problème à la démocratie espagnole d'avoir quand même des élections régionales avec des candidats qui sont en prison. Ça, c'est quand même un premier souci. Et par contre, ce mouvement indépendantiste, il est très divisé. C'est pas les indépendantistes écossais qui sont dans un seul parti. Il y a la droite, il y a la gauche catalane, et puis il y a l'extrême gauche catalane, bien entendu. C'est trois choses très différentes. Mais tout de même, la démarche politique, elle peut paraître absurde quand même, au moment où l'Europe se construit et rend l'indépendance d'une partie d'un pays encore plus difficile. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui semble vraiment à contre-courant de l'histoire? Alors, je peux faire un petit essai sur la question catalane, mais effectivement, moi, je suis parti un peu du même constat que vous, et c'est ce qui est le plus difficile à comprendre quand on se met à la place des indépendantistes ou quand on cherche à comprendre ce qui se passe. Effectivement, de fait, ils reconnaissent aujourd'hui que l'indépendance, ils ne l'auront pas, et qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'il va falloir jouer dans le cadre de légitime, légal des institutions. La présidente de l'Assemblée catalane qui a été libérée de prison l'a reconnue, par exemple. Et d'autres après elle, maintenant. Il faut quand même rappeler que les poussées de fièvre séparatistes, on pourrait dire, catalanes, sont récurrentes, souvent des poussées de fièvre. Alors celle-là était plus forte que les autres. C'est vrai que l'indépendance, de fait, ils ne l'ont pas. D'ailleurs, ils n'ont pas pu poser d'acte de souveraineté. Moi, je suis allé interviewer une députée de Podemos, député régional, qui m'a dit, ils ont voté l'indépendance le vendredi, le samedi, ils sont partis en week-end, ou en prison. Mais en tout cas, j'étais au Parlement de Catalogne, personnellement, il y a 15 jours, quand une révolution explose, les lieux de pouvoir sont occupés, là, le Parlement, il était vide, parce qu'on attend de nouvelles élections, donc, il n'y a pas eu d'acte de souveraineté de poser, comme la création d'une banque centrale, ou ne serait-ce que de décrocher, on n'a pas vu de drapeau espagnol descendre, descendu d'un mât. C'était complètement virtuel, parce que, ils comptent sur autre chose, c'est pas ridicule, ils comptent sur autre chose, ils comptent sur le développement d'un sentiment national. Et c'est vrai que, justement, sur la critique de cette, on vient à notre coup d'État de 81 et à la transition démocratique, on dénonce l'autoritarisme qui viendrait de Madrid et l'autoritarisme de la Constitution espagnole, c'est à ça. Laquelle justement le roi est soupçonné aujourd'hui de ne pas être à la hauteur. Donc je résume, concernant les Catalans, la stratégie, ce sera d'aller de poussée de fièvre en poussée de fièvre jusqu'à faire intégrer l'idée, jusqu'à l'état de fait, ce qu'on appelle un état de fait, quoi, en gros. Tout à fait. D'accord. Que reste-t-il de ce qu'on appelait la Movida, ce grand mouvement social et festif issu de la démocratie en Espagne? Alors la Movida, elle s'est transformée, c'était un grand moment de libération, ça se passait dans le Parc Güell à Barcelone, dans les rues de Madrid bien sûr, où le jeune Almodovar tourne ses premiers films avec des graffitis notamment aussi à la gloire du jeune Juan Carlos par exemple, on voit ça dans des dans des films. Elle est, alors elle a pris, la, elle a pris beaucoup d'avance aussi en matière de loi de société. L'Espagne a adopté le mariage homosexuel avant beaucoup d'autres pays européens. L'Église a dû revenir un petit peu sur ses, et même le Parti populaire à la droite a dû revenir sur ses velléités pour canasser un petit peu les lois qui limitaient l'avortement. Donc il y a cette, elle s'est un petit peu normalisée dans une société européenne complètement ouverte. Mmh. Et de fait, son environnement, par exemple, le nationalisme catalan, c'est pas un nationalisme qui est refermé, c'est un nationalisme qui se veut inclusif, un petit peu à la manière de l'idée qu'on se fait de la nation en France. Donc ça reste un pays inventif, hein. Ça reste un pays inventif, voilà, qui est fier quand même de sa plurinationalité. Tiens, autre terme inventé par, ou amené de Podemos, d'Amérique latine, qui est maintenant partagé dans le débat politique. Elle est fière de cela, et même en Catalogne. Ce qui est curieux, c'est quand on interroge et qu'on demande aux gens quelle est leur première langue, ben, les vieux comme les jeunes vous disent que c'est l'espagnol à 47%. On pourrait croire que les jeunes qui ont grandi dans le bilinguisme, qui n'existait pas à l'époque de Franco, se sentiraient plus catalans. Non, on sent toujours un petit peu de tout. Mais là-dessus, il y a le rapport à Madrid qui, par contre, est toujours compliqué, qui n'a pas été réglé. Un petit peu recentré, une capitale moins riche, donc avec beaucoup de prétentions sur la région qui ne peut pas se développer comme elle l'entend. Et puis, cette droite qui est vue un petit peu comme on voyait la droite en France, vous voyez, avant que Mitterrand arrive au pouvoir, un peu prétentieuse, racontant que si c'est l'autre camp qui l'emporte, ça tournerait mal, avec l'idée que le pouvoir lui est dû. C'est un petit peu le souci encore qu'il y a, quand bien même il y a eu une alternative, oui, une alternance socialiste. Il y a eu des alternances en Espagne, oui, quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est un des reproches qu'on fait. Alors quand je disais c'est un pays inventif, donc politiquement également, ça voulait dire Podemos, notamment. Et vous avez écrit un livre sur Podemos. Oui. De quoi Podemos est-il ou est-elle le nom? Alors Podemos, justement, Pablo Iglesias, il l'a rappelé ce dimanche, il l'a dit, moi j'essaie de suivre leur actualité qui est très féconde. Ils avaient des assises justement autour de la question institutionnelle et de la question du processus constituant, comme ils l'appellent. Enfin, bon, ils savent bien qu'on ne va pas remettre toutes les institutions à plat, mais ils disent qu'ils sont le fruit de ces blocages, de cette constitution qui a joué son rôle historique, qui en 81, donc avec la réaction heureuse du roi, a permis à l'Espagne d'entrer dans la modernité, d'entrer dans l'Union européenne, mais qui aujourd'hui est un peu trop cadenassé, qui doit repenser son schéma territorial, qui doit repenser la question sociale, parce que la constitution espagnole, comme la nôtre, elle programme le droit au travail, ou en tout cas le droit à certains droits sociaux, sur lesquels l'idéologie un peu libérale dominante est revenue. Donc le Podemos, c'est l'expression des contradictions aussi de cette constitution, qui reconnaît des droits historiques à la Catalogne, mais qui proclame aussi l'unité du peuple espagnol. Donc c'est un faiseur de débat, un brasseur d'idées, qui est un agitateur d'idées. Voilà, je cherchais l'expression qui est très précieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Podemos est dans une galaxie. Il y a Movimento Cinque Stelle en Italie, le mouvement 5 étoiles. Il y a Syriza, évidemment, en Grèce. Peut-être pour nous mettre la France insoumise, qui copie très largement les techniques de Podemos, même s'il... Bien sûr. Vous appelez ça, vous, populisme de gauche, mais vous mettez quand même des guillemets dans populisme de gauche. Mais c'est revendiqué par Podemos. Donc l'idéologue de Podemos s'appelle Íñigo Errejón, c'était pendant très longtemps le numéro 2. Pour moi, c'est un peu le Mitterrand espagnol, ce jeune homme, va falloir le suivre. il va partir peut-être à la conquête de la région de Madrid, électoralement. Et c'est un populisme qui ne se veut pas identitaire, comme le populisme d'extrême droite, mais c'est un populisme qui se veut revendicatif, justement dans le sens de maintenant demander une deuxième transition. Il cite souvent cette expression, voilà, maintenant, c'est à chaque génération de construire, de faire sa constitution, comme le disaient certains pères fondateurs dans d'autres pays. Ils sont à l'image d'une génération justement qui est née après le coup d'État, qui n'a pas fait la transition, qui est née dans cette image, dans cette Espagne démocratique fondée par le roi en 81. Et il semble que le lien entre ces mouvements différents dans certains pays, c'est contre l'Europe dans ce qu'elle peut présenter de déni de démocratie. Ça, c'est intéressant dans ce qui se passe en Catalogne. Il y a une remise en cause aussi des institutions européennes, parce que M. Puigdemont a dit qu'il faudra peut-être un référendum sur le maintien de la Catalogne dans l'Union européenne. Donc là, les dirigeants européens ont du souci à se faire, de cette Europe-là en tout cas. Merci infiniment, pardon de vous bousculer à la fin, enfin, c'est le temps est le temps, pas impossible. Merci Christophe Barret, donc auteur de ce livre Podemos pour une autre Europe. Merci, au revoir.